cours numéro 33. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. On reprend nos durous, bi'idnillahi azza wa jal, après cette coupure, et on est arrivé, on avait fini na'am, le 32e chapitre, min hadha al-kitab al-nafis, kitab روضة العقلاء للإمام ابن حبان رحمة الله عليه كتاب نفيس في مكارم الأخلاق c'est une référence ce livre dans les bons comportements واستفدنا ولله الحمد كثيرا depuis le début tous ces chapitres qu'on a étudiés ensemble فنسأل الله سبحانه وتعالى من فضله وإحسانه قال المؤلف رحمه الله ذكر الحث على لزوم كتمان السر Ce 33e chapitre c'est sur كتمان السر et on verra deux points essentiels le fait de ne pas propager tout ce que المؤمن va faire سيأتي معنا الحديث استعينوا على الحوائج أو على حوائجكم بالكتمان et tu dois pas tout dévoiler ce que tu veux faire لابد أن المسلم certaines choses il doit les garder pour lui لأن في إظهار ما سيفعله أو ما يريد أن يفعله ربما يغادي أضرار كم من حاقد وحاسد Ça, c'est le premier point. Donc, al-mu'min, il ne doit pas dévoiler tout ce qu'il veut faire. Il doit garder des choses secrètes. Khasatan fi al-umur al-muhim. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, toujours lié à ce chapitre, si ton frère mu'min, il te confie un secret, sir, annahu, il veut faire telle chose, annahu, il compte aller dans tel endroit. Al-Muhim, une chose qui te confie. La yajouz de dévoiler hadha sir. Donc ces deux points, Al-Imam Ibn Hibban, rahmatullah alayh, il les a cités via hadha al-bab al-Muhim. Donc Al-Kitman, c'est le fait de ne pas dévoiler katama hadha shay. C'est le fait de ne pas le dévoiler, de le garder secret. Ou sir. Al-sir, c'est le contraire de quelque chose de zahir, quelque chose de voyant. Donc, al-sir, c'est un secret. Qala rahimahullah. Akhbarana Muhammad ibn Sulayman ibn Faris al-Dallal. Qala haddathana Muhammad ibn Ibrahim ibn Sa'id al-Abdi. Qala haddathana al-Haytham ibn Ayyub al-Attar al-Sulami. Qala haddathana Sahl ibn Abdurrahman an Muhammad. ابن مطرف أبي غسان عن محمد بن المنكدر عن عروة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استعينوا على الحوائج بالكتمان فإن لكل نعمة حاسد فإن لكل نعمة حاسدة هذا الحديث العلماء اختلفوا في صحته فبعضهم قال أنه إلى صحيح d'autres ils ont dit il est ضعيف قال أبو حاتم رحمه الله هذا إسناد صحيح حسن وطريق غريب إن كان عروة هذا هو ابن الزبير ابن العوام والسعيد بن سلام ما أرى حفظ حديثه فلذلك تنكبت عن ذكره فسمونتخنا أن هذا الحديث فيه ما فيه العلماء اختلفوا par rapport aux chaînes de transmission لكن بمجموع طرقه بعض العلماء حسنوه parmi eux الإمام محدث هذا العصر العلامة محمد الألباني رحمة الله عليه إلا الصحاح في الصحيحة أما الشيخ مقبل رحمة الله عليه ضعفه بل قدم لي رسالة لأحد طلابه Un des élèves de Cheikh Mokbil, rahmatullah alayhi, il avait écrit une risala vi, et bien, on va faire un hadith, un bahth, une recherche que sur ce hadith et il a conclu un hadith il est daïf. Cheikh Mouqbil rahimahullah qaddama li hadhihi ar-risala. Ma ala kulli hal walaw qulna bi dha'fihi fala shak an al-ma'na sahiha kama sayati min kalam Ibn Hibban rahmatullah alayhi. Ista'inu ala al-hawa'ij bil kitman. Et quand tu veux faire une chose, quelque chose de muhim, ça peut être un voyage, ça peut être quelque chose min umur ad-dunya. Fa fi hadha al-hadith qala alayhi salatu wa salam ista'inu ala al-hawa'ij bil kitman. Ne pas tout dévoiler. Pourquoi? Le Nabi sallallahu alayhi wa salam il a montré as-sabab. Qala fa inna li kulli ni'matin hasida. Ma min ni'ma que Allah subhanahu wa ta'ala il donne au abd, que ce soit une ni'ma par rapport à son dîn ou une ni'ma par rapport à la dunya, illa tu trouveras hasid min al-hasidin, qui n'accepte pas, ça le dérange. Taqaddam ma'ana un bab sur al-hasad, sur la jalousie, et beaucoup de paroles sur ce sujet, sur la jalousie. Fa ala kulli hal, hada c'est pour préserver هذا المؤمن ربما هذا الحاسد ce jaloux il peut faire des choses s'il apprend que tu veux مثلا voyager il peut faire des choses pour t'en empêcher mentir des accusations ou tu veux acheter telle chose et ربما il le sait peut-être que il peut appeler le vendeur et mentir il peut فلي هذا المؤمن il n'est pas obligé de tout dévoiler sans rentrer dans la paranoïa bien sûr. Là, بعض الأمور سيأتي معنا أنه il faut montrer, il faut parler. لكن سيأتي كلام أهل العلم pour montrer المعنى أكثر. الإمام النووي رحمه الله تعالى dans رياض الصالحين il a cité un باب طيب sur le même sujet. قال باب حفظ السر. Le fait de ne pas propager as-sir. Et ça, c'est le deuxième point de notre thème aujourd'hui. قال الله عز وجل وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. Si quelqu'un te confie une amana, que ce soit de l'argent, un dépôt, ou dans notre sujet, un secret, المؤمن, il doit préserver هذا العهد, هذه الأمانة. Si ce frère, il t'a fait confiance, et il t'a dévoilé cette chose qu'il n'a pas dévoilé à d'autres. Et anta, tu sais que ce frère, il ne veut pas que cette chose, elle soit dévoilée. Fala yajouzou lak, akhil karim, de dévoiler ce secret. Thumma, il a cité l'imam an-Nawawi rahimahullah plusieurs hadiths. Parmi ces hadiths, hadith Abi Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة هكذا قال لكن ده صحيح مسلم إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها ça من أشر الناس عند الله عز وجل parmi les pires hommes عند الله سبحانه وتعالى c'est un homme qui confie des choses à sa femme ou sa femme, elle lui confie des choses qui regardent que ce couple, min umur al-firash, etc. Thumma, tu trouves un des deux, il dévoile ce secret. Al-hadith, il est fait sahih, muslim. Cheikh Al-Uthaymeen, rahmatullah alayhi, dans son sharh, قال, avant de revenir au hadith qu'on vient de lire, قال, rahimahullah, as-sir, il a expliqué c'est quoi as-sir. On a traduit par secret. قال هو ما يقع خفية بينك وبين صاحبك. Un secret, c'est une chose qu'il n'y a que toi et ton ami qui connaissent cette chose. قال ولا يحل لك أن تفضي هذا السر أو أن تبينه لأحد. C'est ça le حكم. C'est interdit de dévoiler ce secret à quiconque. قال سواء قال لك لا تبينه لأحد أو علم بالقرينة الفعلية أنه لا يحب أن يطلع عليه أحد أو علم بالقرينة الحالية أنه لا يحب أن يطلع عليه أحد. Et ça c'est مهم. أحيانا si on prend l'exemple de deux frères, donc واحد يكونفي un secret à un autre frère. أحيانا celui qui confie il est clair, il dit à ce frère je vais te dire quelque chose, ça reste entre toi et moi. C'est un secret, بيني وبينك. Je ne veux pas que tu dévoiles cette chose. Enfin, si tu acceptes d'entendre ce secret, tu n'as pas le droit de le dévoiler. فهذا قوله بل إلى détailler les trois points. On continue. مثال الأول اللفظ أن يحدثك بحديث ثم يقول لا تخبر أحدا هو معك أمانة. Donc ça c'est clair. Il te dit tu n'informes personne. Dans ce cas, tu n'as pas le droit d'informer un autre. Deuxième cas, قال أن يحدثك وهو في حال تحديثه إياك يلتفت يخشى أحدا يسمع لأن معنى التفاته أنه لا يحب أن يطلع عليه أحد. Deuxième cas, أنه il ne te dit pas clairement de ne pas le dire. Il ne te dit pas clairement tu ne rapportes à personne ce que je viens de te dire, ça reste entre moi et toi. Il dit rien من هذا, لكن il y a des قرائن, il y a des choses qui montrent أنه il veut que ça reste contre toi et lui. هذا c'est معروف عند الناس عند العقلاء. مثلا شيخ ابن عثيمين قال quand il te parle il se tourne à droite à gauche, ou s'il entend un bruit ou s'il entend quelqu'un approcher il se tait. Ça prouve clairement انه il veut que cette chose elle reste entre toi et lui. Dans ce cas كذلك c'est interdit de propager ce que ce mu'min il te dit. Troisième cas قال القرينة الحالية أن يكون هذا الذي أخبرك به أو حدثك به من الأمور التي يستحى من ذكرها ويخشى من ذكرها وما أشبه ذلك فلا يحل لك أن تبين وتبدي هذا السر. Troisième cas, كذلك سمين القرائن أن cette chose qu'il t'a dit, qu'il t'a informé d'une chose, c'est معروف عند جميع الناس. Et من المفيد هنا c'est de te mettre à sa place. Est-ce que toi tu voudrais que cette chose soit dévoilée là? مثلا une chose qui concerne ses problèmes de couple ou ses enfants ou une maladie ou au moins il y a quelque chose qui le regarde. Et l'être humain n'a pas que ces choses soient dévoilées. ففي هذا الحال كذلك on n'a pas le droit de dévoiler. فهذا c'est quelques points importants sur السر. ثم الحديث qu'on a lu hadith Abi Sa'id رضي الله عنه في صحيح مسلم شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال أو هي أيضا تصبح أو تصبح تنشر سره. نعم ça concerne l'homme ou la femme, un des deux نعم le couple إما l'homme إما la femme, et qui dévoile leur secret. فيقول فعلت في امرأة البارحة كذا فعلت كذا وفعلت كذا والعياذ بالله. Et ça c'est très très grave. مثلا من الأسرار entre الرجل وزوجته c'est les choses intimes. Et tu trouves بعض الناس من الفجر من الفساق أنهم rapportent ce qu'ils font avec leurs épouses في الليل. أنه j'ai fait كذا أنه j'ai dit كذا نعوذ بالله. قال فالغائب كأنه يشاهد. Vous avez remarqué que le secret, c'est pas qu'une parole. Et le secret, c'est pas qu'une chose qu'on, maintenant, on appelle secret. Je vais te dire un secret. Thomas, je te dis de ne pas le dévoiler. C'est pas que ça. Ça, bien sûr, c'est une situation claire que Cheikh Mohamed Amin l'a rapporté. Lakin, même هذا, ces choses qui se passent dans un couple, هذا, c'est معروف عند الجميع, عند المؤمنين العقلاء, ces choses, elles ne doivent pas être dévoilées. ثم قال كأنه بينهما في الفراش والعياذ بالله يخبر بالشيء السر الذي لا تحب الزوجة أن يطلع عليه أحد. Et ça montre que si c'est le mari qui rapporte les choses, il n'y a aucun doute que la femme, elle n'acceptera jamais que ces choses soient dévoilées. Et si on inverse la situation, si c'est la femme qui rapporte, enfin le mari n'acceptera jamais que ces choses soient dévoilées. Dans ce cas, فلا يجوز, c'est haram. بل ça fait partie des كبائر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أشر الناس منزلة يوم القيامة. Ça montre la gravité. لأن النبي صلى الله عليه وسلم quand il a dit ils font partie des pires gens le jour de la résurrection, ça montre que c'est un péché très très grave. ثم قال فالواجب أن تحفظ الأمور السرية في البيوت وفي الفراش وفي غيرها وأن لا يطلع عليها أحد أبدا فإن من حفظ السر أخيه حفظ الله سره والجزاء من جنس العمل والله الموفق. كلام طيب. كذلك si tu veux que Allah subhanahu wa ta'ala te préserve, va préserve ton frère mu'min. Ne dévoile pas des choses qui le concernent. Il ne veut pas qu'elles soient dévoilées. Encore plus, ما يتعلق بهذا الحديث أي les choses qui concernent le couple. Ça c'est le premier hadith. كذلك il a cité l'imam al-Nawawi rahimahullah des hadiths qui montre l'importance de préserver as-sir. Parmi ces hadiths, hadith Abdullah ibn Umar, qissat Umar radiyallahu anhu, quand il a voulu marier sa fille Hafsa radiyallahu anha. Hafsa, elle était déjà mariée et elle a perdu son mari. Son mari, il est décédé. Enfin, Umar radiyallahu anhu, il a proposé à Uthman radiyallahu anhu de le marier à sa fille Hafsa. Enfin, Uthman, qala, سأنظر في أمري. أيجا ذي غفلشيا. ثم عثمان رضي الله عنه quelques jours plus tard il a dit à Omar il ne compte pas se marier en ce moment. Il a refusé. قال عمر فلقيت أبا بكر رضي الله عنه فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. ثم عمر il a proposé à Abu Bakr, hey, si tu veux je te marie à ma fille Hafsa qui vient de perdre son mari. فصمت أبو بكر أبو بكر سيتو رضي الله عنه فلم يرجع إلي شيئا il n'a pas donné de réponse. قال عمر فكنت عليه أوجد مني على عثمان. أي عمر il a pris dans son nefs, il l'a mal pris. لأن عثمان il lui a répondu لكن أبو بكر il n'a pas répondu, donc ça lui a fait quelque chose. قال فلبثت ليال ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. ثم quelques temps, quelques jours après, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à Omar la main de sa fille Hafsa et ils se sont mariés. C'est devenu Umm al-Mu'minin, radiyallahu anha. Et parmi Ummahat al-Mu'minin, les épouses du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Thumma ba'da dhalik, qal falaqiyani Abu Bakr, faqala la'allaka wajadta alayya hina aradta alayya Hafsa, falam arji ilayka shay'an. Thumma, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié à Hafsa, Abu Bakr radiyallahu anhu, il est parti voir Omar. Et il lui a dit, peut-être que tu as mal pris que je ne t'ai pas répondu quand tu m'as proposé le mariage avec ta fille Hafsa. Faqala Omar, na'am. Ndoro, al-mu'amala tayyiba. Anna Omar, il n'a pas dit, là, il n'y a rien. Là, c'est pas grave. Abedan, il lui a dit, na'am. Ça nous montre, anna saraha, c'est tayyib. Être clair. Tu as mal pris, ça arrive. Tu dis à ton frère, Naam, ce que tu as fait, j'ai mal pris. Summa, imma, il a fait une erreur et il va te demander pardon pour arranger les choses. Et ça s'arrête là. Imma, c'est toi qui as mal compris. Oh, il te manquait un élément pour comprendre pourquoi il ne t'a pas répondu. Maintenant, dans le cas de Abu Bakr, c'est ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'avec As-Saraha, en étant clair, ils ont réglé très très vite ce petit problème. Faqala. Hey, Abu Bakr, il va lui montrer pourquoi il n'a pas répondu. فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ فِي مَا عَرَضْتَ عَلَيَّ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ عَلِمْتُ أَنَّ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ ذَكَرَهَا. Pourquoi il n'a pas répondu? لِأَنَّ il attendait de voir est-ce que le prophète صلى الله عليه وسلم il allait demander à Omar la main de sa fille Hafsa. لماذا? لأن عمر قال إلا أني كنت علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها. Il avait entendu le prophète صلى الله عليه وسلم parler de Hafsa. Et il a su que le prophète صلى الله عليه وسلم il pouvait être intéressé à de se marier avec Hafsa. فلهذا أبو بكر il a pas voulu s'avancer. قال فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. C'est ça الشاهد. Vu que c'est une chose qui n'était pas propagée, il n'y a que Abu Bakr Rubama qui savait. Enfin, Abu Bakr, il a dit, je n'aurais jamais propagé ce secret à le sir. C'est pour ça qu'il s'est tué et il a entendu, il a attendu. Qala walaw tarakaha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam la qabiltuha. Thumma il a dit à Omar, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam il ne serait pas marié avec Hafsa, moi je me serais marié avec elle. Hada dalilun wadih. Et c'est un mouqif azim qui nous montre l'importance de retenir sa langue. L'importance de ne pas propager ce qui concerne ton frère le mu'min. Et lui-même, il ne veut pas que ça se propage. Le hadith est sahih al-Bukhari. كذلك pour finir حديث أنس رضي الله عنه قال أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان. Il était encore très très jeune. أنس رضي الله عنه. Quand le prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام il est mort, il était très très jeune. Donc à cette période c'était encore un enfant et il jouait avec des garçons. فسلم علينا. Le prophète صلى الله عليه وسلم il aura passé السلام. فبعثني في حاجة. Vu que Anas رضي الله عنه il s'occupait du prophète alayhi salatu wasalam, enfin le prophète alayhi salatu wasalam il l'a envoyé pour une chose, pour une course. Fa abta'tu ala ummi. Quand Anas il est parti faire cette course, il a mis du temps à rentrer chez lui et sa mère l'attendait. Sa mère Umm Sulaym as-sahabiyya al-jalila radiyallahu anha, la femme de Abu Talha. Qala falamma ji'tu qalat ma habasak. Quand il est rentré, elle a demandé à son fils « Pourquoi tu as mis du temps ?» فَقُلْتُ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ لِحَاجَ. Le prophète صلى الله عليه وسلم il m'a envoyé pour une course. قَالَتْ مَا حَاجَتُهُ. فَأُمُّ سُلَيْمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ elle a demandé « C'était quoi ?» قَالَ أَنَسْ قُلْتُ إِنَّهَا سِرٌ. Anas il a dit à sa mère c'est مِنَ السِّرْ, c'est un secret. Je peux pas le dévoiler. فقالت يتأمل هنا موقف هذا الأم. L'importance de l'أم si elle est صالحة et elle s'entraide avec son enfant في الخير. Elle ne lui a pas dit là je suis ta mère, là pourquoi tu me caches. أبدا. Quand elle a succédé من السر. Et هؤلاء رضي الله عنهم ils connaissaient l'importance de ce point. فقالت elle a dit « La tukhbiranna bi sir Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ahada. » N'informe personne de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a confié, ce secret. Et elle a appuyé son fils, radiyallahu anha, de ne pas divulguer cette chose. « Qala anas wallahi law haddathu bihi ahadan la haddathuka bihi ya thabit. » Thumma Anas radiyallahu anhu il a juré, si je devais informer quelqu'un de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, je t'aurais informé anti ya Thabit. Thabit c'est Thabit al-Bunani al-Imam, un grand élève de Anas radiyallahu anhu. Bel c'est Athbat al-Nas, c'est le rapporteur le plus fiable, le plus authentique qui rapporte an Anas ibn Malik radiyallahu anhu wa an as-sahabati ajma'in. Al hadith il est fi sahih Muslim. Cheikh Al-Uthaymeen, rahmatullah alayhi, concernant ce hadith, قال ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه لا يجوز للإنسان أن يبدي سر شخص حتى لأمه وأبيه. Et ça, c'est un point important. لماذا؟ لأن pourquoi à notre époque أحيانا tu as du mal à trouver une personne de confiance qui sait garder un secret. Pourquoi؟ لأن ce point il n'est pas maîtrisé à cause de l'ignorance. كيف هذا؟ لأن بعض الناس qu'est-ce qu'ils disent? Tu lui dis un secret مثلا et tu lui dis ça reste entre moi, entre toi et moi. ثم il te dit نعم. ثم il rentre chez lui, il en parle à sa femme. Pourquoi? لأن pour lui sa femme c'est une personne de confiance. Il lui dit. Pour lui il pense que c'est autorisé. لأن c'est sa femme, elle le respecte et elle va se taire. Ou d'autres ils en parlent à leur mère. Ou d'autres, ils en parlent à leur fils. Il a les mouhims des personnes proches. Lakin le mouchkila, c'est quoi? C'est que maintenant, si tu en parles à ta mère, kadalek, elle va en parler à un autre, une personne de confiance pour elle. Elle va en parler maintenant à sa fille. Elle va dire, t'es ma fille, je te le dis qu'à toi, c'est un secret, tu le gardes pour toi. Thumma la fille, elle va informer son mari. Thumma le mari va informer son frère. Thumma son frère, Thumma tout le monde sait. C'est pour ça que ce hadith, c'est une base importante dans ce sujet. Et l'Om, c'est la personne qui a le plus de haq pour toi, ayyuha al-mu'min. Ummuk, thumma ummuk, thumma ummuk, thumma abuk. Hakadha qal al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Même la mère qui est très très proche, tu n'as pas le droit de l'informer. Même si elle te demande. La ta'a li makhlouq fi ma'asiyyati al-khaliq. Tu n'as pas le droit d'obéir fi hadha al-hal. Il y en a certaines mères, elles ne sont pas comme Umm Sulaym radiyallahu anha. Certaines mères, elles entendent un secret, ben elles font tout pour savoir. Même via Dalhal, tu ne divulgues pas ce secret. Ah, là, c'est un point très très important. قال فلو أن إنسانا أرسلك في حاجة ثم قال لك أبوك ما الذي أرسلك به لا تخبره ولو كان أباك. Même si ton père ou ta mère il te demande, Alors que cette personne, il t'a fait confiance, il t'a envoyé faire une course, il t'a dit quelque chose, il veut que ça reste qu'entre toi et lui. Fafi, tu n'informes pas. Et on peut faire une remarque, bien sûr, dans certains cas, voilà aussi c'est un secret, si c'est pour du haram, ou ça peut faire une énorme mafsada, ça peut conduire à un mal énorme. Bien sûr qu'il faut parler. La kinha, ça reste une exception. Il la fait la base, c'est de ne pas divulguer le secret. Wallahu ta'ala a'lam. Intaha kalam Cheikh Al-Uthaymeen, rahmatullah alayh, min ma'adha, min sharh Riyad al-Salihin. On revient à notre livre. Après cette muqaddima sur As-Sir, la définition, et quelques hadiths filbab avec le hadith que l'imam Ibn Hibban il a cité, rahmatullah alayh. On n'a plus qu'à lire son kalam pour montrer l'importance du sujet et la gravité de dévoiler les secrets de tes frères croyants. Qal Ibn Hibban, rahimahullah, fal wajib ala man salaka sabil dhawi al-hijab. Dhawi al-hijab, ay ahl al-uqul al-salima, ay les gens sensés, les doués de raison. لزوم من طوى عليه الضمير بترك إبداء المكنون فيه قال بترك إبداء المكنون فيه لا إلى ثقة ولا إلى غيره. هنا إلى كم أصير رحمة الله عليه أن la base c'est que certaines choses tu dois les divulguer à personne, que ça soit un ثقة, une personne de confiance, et من باب أولى une personne qui n'est pas de confiance. Les mal, il y en a certaines choses, elles te regardent. Certaines choses, les dire aux autres, il n'y a aucune hajj. Belle, le fait de divulguer certaines choses, ça peut te faire du mal, akhil kerim. Qala, on répète le hadith, fa inna li kulli ni'matin hasid. Chaque ni'ma, elle a un hasid. Et on vit à une époque. Anna, hifz, assur, c'est devenu beaucoup plus compliqué qu'à l'époque. À cause de hadhihi al-wasa'il al-jadida. À cause de ces raisons. Ahyanan, une kalima qu'un savant il dit à un de ses élèves, ou un ami il dit à son ami, il a arrêté de tâcher fil alam à cause de ces réseaux. Autre chose, qawluhu fa inna li kulli ni'matin hasid. On peut déduire une autre faïda très très importante. An Allah azza wa jal idha an'ama alayk, si Allah subhanahu wa ta'ala il t'a ouvert les portes de l'ilm ou de dunya. Enfin, tu n'es pas obligé de tout exposer sur les réseaux sociaux, akhil kerim. Limadha li anna li kulli ni'matin hasid. Bad al-nas qui te connaissent et qui voient hadha l'amr, surtout avec ces statuts l'an, sur WhatsApp ou certaines choses sur Instagram, anna bad al-nas, ils filment, ils prennent en photo leur vie du matin au soir. Le petit déjeuner, qu'est-ce qu'ils ont mangé à midi, quand ils montent dans leur voiture, quand ils vont dans cet endroit. Ya ikhwan, hada ya aucune faïda awwalan. Al-aqil yatanazzah an hada. Thaniyan, deuxièmement, ça peut faire du mal aux autres. Allah subhanahu wa ta'ala fataha alayhi, qui t'a donné telle chose, tu filmes tout, tu prends tout en photo, tu as mangé telle chose, tu as bu telle chose. Peut-être que ton frère qui regarde cette chose, il n'a pas toutes ces choses. Et ça peut le toucher. Fa... Troisièmement, et c'est ce point, peut-être que quelqu'un qui te déteste et qui te suit, qui a ton numéro et ses statuts, ils lui parviennent et il voit, peut-être qu'il va manigancer contre toi. Mais j'ai rien à me reprocher. La voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est préserve-toi. Et avec les autres points, voilà, chacun a sa montre qu'il n'y a aucune hajj. On peut rajouter un quatrième point. Et c'est lié au troisième. Cette photo que tu as prise de toi ou de tes enfants ou de cette chose, il fait du sihr. Ou il te touche avec le mauvais œil. Et c'est toi qui souffriras. Avec tout ça, sans citer ces points négatifs qu'on vient de décrire, il n'y a aucune hajj. Hada, ça vient de Al-Farah. Wallahi, celui qui est occupé, il n'a pas le temps de prendre en photo ce qu'il mange et mettre dans les réseaux. Wallahi, annahu, il n'aura pas le temps. Tu as déjà vu un savant de la Sunna prendre en photo un tel ou la telle chose et mettre sur les réseaux, ils n'ont pas le temps. Et nous, on doit s'occuper, celui qui est occupé par la dunya. Si c'est dans le halal, alhamdoulilah, qu'il fasse ce qu'il a à faire, et celui qui est occupé par l'ilm ou l'hudava, qu'il fasse des efforts. Amma, ces choses, on fait attention et on met en garde nos frères qui font des efforts, fait l'ilm, an la yata'atharoun. On fait attention de ne pas suivre la vague. Et là, ça commence comme ça, et ça finit par des masa'ib. Fa, shaytan yajri majra d'dam. Et elle m'a assis, une m'a elle tire une autre. Khasatan, celui qui prend photo ses enfants, ou lui-même, ou encore plus grave, son épouse, iyadam billah. Enfin, tout ça, c'est haram. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, haram, aswar, bi nusus kathira sariha. Et on a déjà cité al-adilla kathira, walillahi alhamd. Fahada, tambih par rapport à ce point. Thumma qala fa inna tahra. لابد من أن يضرب ضرباته فيوقع ضد الوصل بينهما بحالة من الأحوال فيخرجه وجود ضد من طوى عليه قديما من وفائه إلى صحة الخروج بالكلية إلى جفائه بإذاء نعم بإبداء مكتوماته والكشف عن مخباته. هذا c'est un point important. Fais attention de ne pas divulguer, خاصةً des choses qui regardent tes proches. Même si c'est un ami, même s'il est de confiance, aujourd'hui c'est un ami, et peut-être que demain ça devient un ennemi. Et il saura des choses sur toi. Omar Obama, il les divulguera. On le répète sans tomber dans la paranoïa. Wallahi alhamd, beaucoup de croyants, c'est des personnes de qualité, ils savent garder un secret. Lakin, s'il n'y a pas de haja, tu n'es pas obligé de tout dire. Khas, dans les choses qui sont liées à ton bait. Et ça, c'est une autre enseigne pour les hommes et pour les femmes. C'est pas la moindre chose, et khalas, il divulgue tout à son ami. L'homme, il dit, ma femme, elle fait, ou la femme, mon mari, il a fait. Entre toi et ton mari, ou pour le mari, toi et ta femme, ça revient, comme avant, vous vous réconciliez, et hadha l'insan, il connaît toutes ces choses. Et peut-être que demain, il y a un qalib alayk, pour un problème, ça va très très vite. C'est ce que Ibn Hibban, rahimahullah, il a essayé de montrer, il l'a montré clairement. Il y a un qalib alayk, il dévoile tout. Et ça fait du mal à tout le monde. Vous avez remarqué que ce point, ce sujet, il est lié kadhalik à l'ajala, le fait de se précipiter. Kathira minan nas, il se précipite à dévoiler des choses, thumma. قال رحمه الله ولقد حدثنا محمد بن عثمان العقبي قال حدثنا محمد بن عبد الكريم العبدي قال حدثنا بكر بن يونس ابن بكير قال حدثنا موسى عن أبي عن عمرو بن العاص أنه قال عجبت من الرجل يفر من القدر وهو مواقعه عمرو بن العاص رضي الله عنه الصحابي الجليل إلى ستة الشوز qui sont étonnants pour lui. Parmi ces choses, قَالَ عَجِبْتُمْ مِنَ الرَّجُلْ يَفِرْ مِنَ الْقَدْرِ وَهُوَ مُوَقِعُهُ. صحيح, c'est étonnant. Le fait de vouloir s'écarter du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala alors que le décret d'Allah il arrivera. وَلَا بُدْ. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de cause là. On fait des causes. Lakin, ce qui arrive, c'est بِقَدْرِ اللَّهِ. Et quand ça arrive, on accepte. Et pour ce qui n'est pas arrivé, on fait les causes et نَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Amma, vouloir fuir le qadar, ou quand une chose allait arriver, se comporter comme si elle insane et ne croit pas au qadar, hada la chèque, ça fait du mal aux croyants. Deuxième chose, قال ومن الرجل يرى القذات في عين أخيه ويدع الجذع في عينه. الرجل, ça concerne l'homme et la femme bien sûr, celui qui voit في عين أخيه القذات. نعم والرجل يرى القذات في عين أخيه أي il voit la poussière dans l'œil de son frère. أي tout ce que son frère fait, voilà, ou quelque chose de minime, quelque chose qui ne fait pas grand mal, c'est pas un péché, mouhim, quelque chose, أنه à chaque fois il fait la remarque et ça le dérange, et جدال نقاش في عتاب etc. قال ولا يرى الجذع في عينه, alors que lui dans son œil il a un tronc d'arbre et il ne le voit pas. أي هذا c'est un mythal pour montrer à بعض الناس, ils regardent les défauts des autres et ils s'oublient eux-mêmes. هذا كذلك, ça fait du mal. Et pourquoi c'est étonnant? نعم, on disait pourquoi c'est étonnant, لأن الإنسان il sera interrogé sur lui-même, tu seras pas interrogé sur les autres. les autres, le conseil. On doit regarder nous-mêmes. On a beaucoup de défauts sur nous-mêmes, beaucoup de choses à corriger sur nous-mêmes. Ama celui qui s'occupe que des autres, il s'oubliera lui-même. قال ومن الرجل يخرج الضغن من موضع ويدع الضغن في نفسه. أي celui qui essaie de corriger les autres et s'oublie lui-même. كما قال عز وجل تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون. Ça montre أن من صفات العقلاء أنهم s'ils montrent les autres, c'est les premiers à mettre en application ce qu'ils disent. قال رحمه الله وما ندمت نعم قال وما ندمت على أمر قط فلمت نفسي على التندم عليه وما وضعت سري عند أحد فلمته على أن يفشي كيف ألومه وقد ضقت به. وهذا سيأتي معنا ce point dans plusieurs paroles. انه قال si je dévoile un secret, j'informe quelqu'un. ثم il l'a dévoilé. فالحقيقة اللوم revient à moi. فكيف ألومه وقد ضقت به. Et si moi je l'ai informé, c'est parce que j'avais du mal à le tenir. صحيح, certaines choses, les garder que pour soi, c'est difficile. فلهذا كثير من الناس, ils n'arrivent plus, ils en parlent à un autre. À un ami, à un proche, à un parent, à un enfant. Et l'akhir. Pour alléger un peu, ils en parlent. ثم si l'autre, il en parle, c'est il a fait comme toi au départ. فلهذا قال فكيف ألومه. لكن مع هذا, ça ne veut pas dire que si quelqu'un nous informe d'un secret, on le dévoile et on se dit là, vu que lui m'a informé, moi كذلك j'informe. Là, le حكم il est واضح, أنا aussi t'informe, tu n'as pas le droit de le divulguer. لكن هذا تستفيد منه une فائدة طيبة, أن attention au départ, لأن si هذا السر il sort de ta bouche, cette chose qui était dans ton cœur, tu la dévoiles. فعلم أنك tu as ouvert la porte. أنه ça peut se propager très très vite. Donc si vraiment tu veux pas que cette chose elle se propage, et il y a aucune haja, il y a aucun besoin d'informer les autres, informe personne. Et si tu n'informes personne, alhamdulillah, personne sera au courant, sauf toi et Allah subhanahu wa ta'ala. قال وأنشدني علي بن محمد البسامي تبوح بسرك تبوح بسرك ضيقا تبوح بسرك ضيقا به وتبغي لسرك من يكتم وكتمانك السر ممن تخاف ومن لا تخافنه أحزم إذا ذاع سرك من مخبر فأنت وإن لمته ألوم. La même manière qu'on vient de citer. Le fait que tu propages un tas des choses à certains, Tumma, Haoula, ils le propagent, Fallum, il revient à toi. Même si eux, ils n'ont pas le droit, Lakin, pour te préserver, si tu veux vraiment pas que ça se sache, ne préviens personne. Ahsanak. On peut faire une remarque, on a dans le bab suivant, qu'on essaiera de faire juste après, s'il reste du temps. Dans le chapitre suivant, c'est sur Al-Mashoura. Et c'est important. لماذا لأن أحيانا ce secret, et on peut se poser la question, et là on insiste sur le fait de ne le dire à personne si on a peur que ça se propage. لكن أحيانا certaines choses, tellement que c'est lourd, tu as besoin de le dire pour être conseillé. Et هذا سطيب. Si c'est pour être conseillé من باب المشورة, c'est le chapitre suivant. C'est pour ça que ce chapitre et le suivant, ils sont liés. لهذا لا تستعجلون. Ne pas se précipiter quand on écoute un cours ou quand on lit kalam ahl al-ilm. Certaines choses au départ, ça peut ne pas être clair. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore tout lu. Et al-ilm, c'est un hadith avec un autre, un verset avec un autre, la parole d'un savant avec un autre. Thumma, à la fin, alhamdulillah, tu arrives à comprendre. قال رحمه الله وأخبرنا محمد بن المهاجر المعدل قال حدثنا أحمد بن محمد الصيداوي قال حدثنا حماد بن إسحاق عن المدائن قال كان يقال أصبر الناس الذي لا يفشي سره إلى صديقه مخافة أن يقع بينهما الشيء فيفشيه. فالمدائن رحمه الله قال أصبر الناس. Ça montre ماذا؟ Ça montre أن garder un secret, ça demande de la patience. أحياناً tu sens que tu dois le dire ou tu veux le dire pour que ça t'allège. Et هذا, ça demande de la patience. Quel jamra, c'est comme avoir une braise dans les mains. Ça demande énormément de patience. بل ربما الإنسان لا يتحمل. فهكذا السر أحيانا الإنسان يسن ce besoin. لكن قال المدائن أصبر الناس. Le plus patient, c'est celui qui ne divulgue pas. لا يفشي سره إلى صديقه. Même à son ami. Il dit rien. Pourquoi? قال مخافة أن يقع بينهما شيء فيفشيه. Surtout à notre époque. بعض الناس c'est صداقة. C'est une amitié, laquelle n'est pas fondée sur grand-chose. Elle n'est pas fondée sur grand-chose. Une chose, comme c'est devenu ton ami très très vite, ça peut devenir un ennemi encore plus vite. Et on le répète, s'il n'y a pas de haja, c'est un secret, une chose qui te concerne. Et même si tu informes ton ami, ça ne va rien lui ajouter. Ils aiment parler, ils ont du mal à garder certaines choses pour eux. فَلِهَذَا قَالَ مَخَافَةَ أَنْ يَقَعَ بَيْنَهُمَ الشَّيْءِ فَيُفْشِيَهُ. Et ça arrive, et c'est déjà arrivé, et ça arrivera encore. إِذَا شَاءَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ. أَنَّ الْبَعْدِ ils étaient amis. Et beaucoup de choses entre eux, des secrets, des choses personnelles. Au moins du jour au lendemain, pour quelque chose de futile, ça devient des ennemis. هَذَا يَرْجُمْ وَذَاكَ يَرْجُمْ. هَذَا il envoie et l'autre il envoie. Des paroles, des dossiers, il a harcelé. Pourquoi? On doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala, même si c'est passé quelque chose, même si cette amitié a été rompue pour une cause, même si tu as raison, certaines choses que tu n'as pas le droit de divulguer, tu ne divulgues pas. On doit craindre Allah, pas pour cet individu-là, ta'atan lillah azza wa jal, même si tu ne l'aimes plus, tu ne l'aimes pas, il s'est passé ce qui s'est passé, crains Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il déteste. الشر الناس عند الله عز وجل تقدم معنا الحديث ceux qui divulguent ce qui s'est passé entre les époux, même si entre les époux bien sûr c'est un cas très très grave, لكن même entre amis la يجوز لماذا لأن c'est un manque de أمانة et c'est de la traîtrise et Allah سبحانه وتعالى déteste les traîtres. قال أبو حاتم رحمه الله من حصن بالكتمان سره ثم من حصن بالكتمان سره تم له تدبيره. صحيح أن celui qui sait garder certaines choses pour lui, الحمد لله, il reste في عافية. بإذن الله عز وجل, il n'a pas son cas personnel dévoilé vers les autres. هذا il peut lui mettre de la pression, هذا il peut lui dire mais telle chose, الحمد لله, cette chose elle est en toi. قال وكان له الظفر بما يريد والسلامة من العيب والضرر. خاصة بعض المجرمين quand ils ont certaines informations sur certains, des choses concernant le couple, des choses concernant telle et telle chose, فربما بعضهم لخبثهم وفجورهم, ils mettent la pression, ils demandent de l'argent, si tu me donnes pas telle chose, je divulgue telle chose. نعوذ بالله. On doit faire attention, ne pas se faire du mal avec nos propres mains, avec notre propre langue. قال رحمه الله وإن أخطأه التمكن والظفر فالحازم يجعل سره في وعاء ويكتمه عن كل مستودع فإن اضطره الأمر وغلبه ودعه العاقل أو دعه العاقل الناصح له. Si il ne peut pas garder cette chose que pour lui et قدر الله أنه il doit le dire, ففي هذا الحال, et هذا ça arrive. Et ça nous montre à ce sujet, il ne faut pas prendre qu'une partie. Maintenant, on arrive à un stade, on a ces paroles qu'on a lues, on a ces choses, tu dois les garder que pour toi, tu divulgues à personne. Ça ne veut pas dire que dans tous les cas, c'est comme ça. Là, c'est permis, bien sûr, de confier des choses à ton frère. Il n'y a aucun problème. Les paroles qu'on vient de lire, c'est pour faire attention. Attention, dans certains cas, ça peut te faire du mal. Si l'insan n'arrive pas à garder cette chose, confie ton secret à هذا الصنف que Ibn Hibban il a cité, cette catégorie de gens. العاقل الناصح له. عاقل من العقلاء. Fais attention à أهل الطيش, ceux qui ont du triche, qui se précipitent, qui parlent à tout le monde, qui ont plein de problèmes. Fais attention. Ah, oula. Et kadhalik an-nasih. Mais celui qui veut que des informations et aucune nasiha. Fais le fait de lui dire, qu'est-ce que tu vas gagner? Là, mais si c'est un nasih et un aqil, peut-être que tu vas lui divulguer cette chose et il va te conseiller l'illah. Il va t'aider, il va te montrer. قَالَ لِأَنَّ السِّرْ أَمَانَةً وَإِفْشَاءَهُ خِيَانَةً السِّرْ c'est une amane. Et on a cité le verset قَبْلَ au début du cours. Et le fait de ne pas respecter l'amane, un dépôt, une chose qu'on t'a confiée, que ce soit une parole, que ce soit du matériel ou autre, فَإِفْشَاءُهُ c'est مِنَ الْخِيَانَةً c'est de la traîtrise. قال والقلب له وعاؤه فمن الأوعية ما يضيق بما يودع ومنها ما يتسع بما استودع. صحيح le cœur c'est comme un récipient. Et تعلمون أن le récipient أحيانا tu mets une chose dedans et ce récipient il peut pas garder cette chose. مثلا une chose qui est trop chaude, brûlante ou trop froide. Où il y a trop de choses, le récipient il n'arrive plus à contenir ces choses. Ah, kada le cœur. Enfin, certains secrets ils sont trop lourds pour le cœur. Et le mu'min il peut pas les garder. Si tu dois en parler, fais attention à qui tu en parles. قال رحمه الله وأنشدني الكوريزي رحمه الله إذا أنت لم تحفظ لنفسك سرها فأنت إذا حملته الناس أضيع ويضحك في وجهي إذا ما لقيته وينهشني بالعيب يوما ويلسع. Ça c'est أوصاف بعض الناس عيادا بالله. إذا أنت لم تحفظ لنفسك سرها فأنت إذا حملته الناس أضيع. Celui qui n'arrive pas à garder certaines choses pour lui, il parle, il divulgue à tout le monde. Voilà, chacun dans cette chose, elle va se propager. ففي هذا الحال الإنسان, c'est lui le responsable en premier. Même si les autres ils ont une responsabilité, enfin le premier responsable c'est lui. قال أبو حاتم رحمه الله الإفراط في الاسترسال بالأسرار عجز وما كتمه المرء من عدوه فلا يجب أن يظهره لصديقه وكفى لذوي الألباب عبرا ما جربوا ومن استودع حديثا فليستر. الإفراط في الاسترسال بالأسرار c'est من العجز. نعم, لأن بعض الناس il n'arrive pas à garder un secret. Ça peut arriver à une chose très très lourde, une qadiyya muhimman, l'insan il en parle, ça y est, ma'ana al mushawara, prendre conseil, hada c'est tayyib. Lakin ba'd an-nas il n'arrive pas à garder un secret. Hada c'est min al-ajz. Ça c'est de la faiblesse. Hada as-sinf ihdar. Ce genre de personne fait attention. Fait attention de ne pas leur dévoiler certaines choses, limadha li'annahum ils n'arrivent pas à garder ils n'arrivent pas à garder ce dépôt, cette amana. Qala wa kafa li dawi al-albab 'ibran ma jarrabu wa man istudi'a hadithan falyastur. Si on te confie cette amana, fa préserve-la dans ton cœur. Comme certains quand on leur confie une amana, de l'argent, de l'or, fa min shiddat al-amana 'indahum, et ils font très très attention, fa ils vont cacher cette chose dans un coffre, dans un endroit pour préserver ce dépôt. Anta, ce secret, tu n'as pas besoin de coffre. Ce secret, mets-le dans ton cœur. Et préserve-le. Lillahi azza wa jal. Et ne trahis pas ton frère, al-mu'min. Qala, waliyakun mihtakan wala mishya'an. Mihtakan wala mishya'an. On ne doit pas faire partie de ha'oula qui divulgue tout. Li anna sir innama summiya sirran li annahu la yufsha. Cette phrase, مع أنها elle est واضحة فيها فوائد عظيمة. Pourquoi on a appelé السر سرًا? السر c'est quelque chose de caché. Pour qu'il reste caché, c'est clair. Donc si quelqu'un te dévoile un secret, ce n'est pas pour le propager. Si tu n'arrives pas, tu connais ton nefs et tu sais que tu ne peux pas garder cette chose, quand tu commences à parler, arrête ton frère. Dis-lui, Anna, ne me dis pas. Si c'est un secret, tu veux que ça ne soit pas dévoilé, ne me dis pas. Ahsan, celui qui reconnaît ses faiblesses, c'est tayyib. Amma écoutez, demandez du plus. Thumma propager, هذا صافي بوكو دمال. قال فيجب على العاقل أن يكون صدره أوسع لسره من صدر غيره بأن لا يفشيه. نعم et ça aide beaucoup. أن tu te mets à la place de ton frère. Comme toi tu voudrais pas qu'on propage tes secrets, فكذلك ne propage pas les secrets des autres. ثم قال رحمه الله وأخبرني محمد بن سعيد القزاز قال حدثنا الرمادي قال حدثنا مسدد قال سمعت ابن داود يقول سمعت الأعمش يقول يضيق صدر أحدهم بسره حتى يحدث به ثم يقول اكتمه علي. صحيح سورة والله المستعان. بعضهم يضيق صدره بسره. Maintenant, il a un secret, il n'arrive pas à le garder. Lui-même, il n'arrive pas. Donc, il informe un autre. Comme on a dit, Hada, il informe sa mère, la mère, elle informe la fille, elle informe le mari. Qu'est-ce qu'il dit ? Uktumhu alayya. Aïe, j'informe que toi, ne le dis à personne. Là, il va faire comme toi. Comme toi, on t'a dit cela et tu as informé. Fahoua kadalik, il va faire la même chose. Ou كثير من الناس ils font cela et والله الحمد كثير من الناس من المؤمنين ils arrivent à garder des secrets لكن on fait attention بعض الناس صحيح ils parlent ثم ils disent لكن ne le dit à personne فهو il va faire exactement comme tu as fait ou plutôt بعبارة أحسن et s'il fait comme tu as fait il informe un de ses proches et il dit ça reste contre toi et moi هكذا ça va se propager. ثم قال رحمه الله الظفر بالحزم والحزم بإحالة الرأي والرأي بتحصين الأسرار ومن كتم سره كانت الخيرة نعم كانه الخيرة وناجي الخيرة كانت الخيرة في يده ومن أنبأ الناس بأسراره هان عليهم وأذاعوها أي نعم. Tant que l'insan garde ce secret, il est fi khayr. Walillah alhamd, c'est un rempart contre al-fitan, contre al-mashakil. Amma l'insan, quand il propage, tu ne peux plus arrêter. Hada, il va dire, hada, un autre, il va dire. Et wallah al-musta'an, ça peut causer énormément de dégâts. Qala, wa man lam yaktum as-sir. استحق الندم ومن استحق الندم صار ناقص العقل. Ça fait du mal à la foi de ce mu'min, à son comportement. Celui qui n'arrive pas à garder un secret, il regrettera. Et les regrets, ça fait beaucoup de mal. قال ومن دام على هذا رجع إلى الجهل فتحصين السر للعاقل أولى به من التلهف بالندم بعد خروجه منه. Tu as deux choses. Tu as dévoilé le secret. On a vu que c'est haram. Et tu as les regrets. Il y en a celui qui dévoile les secrets, ça peut causer énormément de problèmes, ثم les regrets. Fais le choix, préserve ta langue, ne divulgue pas, et alhamdoulilah, tu n'auras pas de regrets. Une autre chose pour finir, بعضهم يخبر بسره أكثر من واحد. Ça arrive souvent, للأسف. بعضهم, ils ont un secret, une qadiyya muhimma. Ils informent maintenant un ami. Ils informent un deuxième, ils informent un proche. Barubama, ils informent 4-5 personnes. Vu que, comme a dit le chair, « Assir, idha tajawaz al-itnani sha'a » Hakada qal, le poète. Il a dit, le secret, si il dépasse deux, tu ne peux plus le retenir, il se propage très très vite. Bar de l'ulama, ils ont dit deux, ces deux personnes, bar de l'ulama, ils ont dit deux, et les lèvres. Et si... Ce secret sort de ton cœur et il dépasse, il sort de ta bouche, il se propagera. Naam. Et alhamdoulilah, il reste des personnes de confiance. Hiyanan, tu informes un croyant de qualité et ça ne se propage pas. Lekin, si ça dépasse deux, en général, ça se propage. Falbard, qu'est-ce qu'ils font ? Ils informent 3-4 personnes. Comment il se plaint que son secret il a été divulgué ? Et ça fait des vitaines. Il y en a 6 à informer 4 personnes. On ne peut pas savoir c'est qui des 4 qui a divulgué. Omar Obama, il accuse, hada, je t'avais dit de ne pas le dire, tu l'as dit, l'autre il jure alors que c'est un autre. Fana'oudou billah min al-fitan. Akhil Karim, si tu connais, wahed qui a hada al-wasf, hada al-bala, il confie il te confie à toi, il confie à 10 personnes en même temps, fais attention. Sois clair, dis-lui, Yana, je n'ai pas besoin de que tu me confies ces choses. Yana, tu vas dire aux autres, Thomas, ça fait des problèmes. Si tu dis aux autres, tu n'as pas besoin de me dire. Et tu fermes la porte et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, al-thabat, hadhal bab. C'est un bab très très important et très très profitable. Et pour que ça soit encore plus clair, il faut lire le bab suivant. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala, al-thabat wa tawfiq. À partir d'aujourd'hui, la reprise des Dorous, on n'a pas encore décidé quel livre on fera en deuxième partie. Enfin, on en profite pour avancer dans Hadha al-Kitab al-Nafis. Wallahi alhamd. Le prochain cours, on va lire le chapitre numéro 35. Enfin, il manque que 15 chapitres. Et si on fait deux cours par, on fait deux chapitres par séance, par cours, wallahi alhamd. Enfin, dans quelques jours, on aura fini. Donc, à partir d'aujourd'hui, on fait deux cours par jour. Wa billahi tawfiq.